أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد الطاهر الأمين. Onzième pilier. Onzième pilier. Ouais. D'accord. Le onzième pilier. Donc il y a les piliers de la prière. Comment c'est les choses indispensables pour que la prière soit valable. Donc il y a donc l'intention, takbir al-ihram, la récitation de la Fatiha. Il a fait la Fatiha. Réciter. Ouais. Il a fait réciter. Il n'a pas fait réciter. Ah. Les points, Elle a dit ce qui est les conditions. Les conditions, que... d'accord. Donc c'est important. Alors, pas prendre la fête, c'est obligatoire. D'accord. Il n'y a que la fête qui est obligatoire. Le reste des piliers, réciter une sourate, commencer, c'est pas obligé. C'est recommandé. Donc ça, il faut passer tout le temps qu'on peut pour avoir une récitation correcte. D'accord. Non, pour l'enregistrement, ouais, d'accord. Mode avion. Sinon, comme dans ceux qui font l'IRM, tu vois, ils se mettent dehors, parce que sinon, toutes les ondes, ça arrive. Donc, alors. C'est important, la Fatiha. Donc, sortir chaque lettre de son point de prononciation. Donc, on va essayer de faire répéter. Donc, normalement, c'est plus facile. Donc, c'est individuel de faire, répéter. Donc, on va finir les piliers. On va essayer de, vers la fin, on va essayer de réciter. Alors. Donc, le septième, ok, se redresser, debout, donc en posant tout entier, découvert, donc, le onzième, voilà, le onzième pilier est la position assise entre les deux prosternations. Donc, le douzième est l'immobilité dans la position assise. Voilà, on laisse un certain temps immobile. C'est pas comme certains, ils font direct. Il reste même pas quelques instants en fait. Donc ça suffit de s'immobiliser. Donc le temps de dire Subhanallah en fait. Qu'est-ce qu'il est recommandé de dire quand on est assis? Donc il y a des invocations recommandées. Allahumma ghfir li wa hdini. Donc il a cette Allahumma ghfir li wa rzuqni ya wa hdini wa rzuqni, j'ai oublié l'ordre, tellement on le dit. Allahumma ghfir li wa hdini wa rzuqni, ya ces trois phrases wa afini. Faut que je trouve l'ordre. Donc ça, c'est recommandé de le dire et pas obligatoire. Donc, on va le retrouver. Le douzième est l'immobilité dans la position assise. Le treizième pilier est la position assise pour réciter le dernier tashahhud. Et ce qui le suit, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, as-salat al-Nabi. Puis le salut rituel de clôture, as-salam. Donc on reste pour faire le tashahhud. Après l'invocation faire du prophète, donc le tashahhud, on va voir. Allahumma salli ala Muhammad, salat ala Nabi. Puis le salut rituel de clôture, assalam. Bien sûr, en disant assalamu alaikum. Comme on va voir. Donc si quelqu'un dit assalamu alaikum, il a clôturé, même s'il ne s'est pas tourné. Tourner, c'est recommandé. puis il doit rajouter aussi c'est recommandé. Donc il y a le 14e pilier qui est le tashahhud. Donc at-tahiyyatu, al-mubarakatu, as-salawatu at-tayyibatu lillah, as-salamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc, ça, c'est la version complète. Bon, il y a d'autres versions. Ça, c'est une des versions. On entend, par exemple, au Maghreb, d'autres versions, parce que chez les Malikis, il y a une autre version rapportée aussi. Il y a plusieurs versions. Il y a Tahiyyatullah, Zakiyyatullah, Salawatul Tayyibatullah, etc. Donc, qui diffère peu, en fait. Donc, et il y a le minimum. Chez le, selon l'école chef, il y a une version complète et une version minimum qui est Tahiyyatullah, Salam alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc là, ouais, une erreur là. Donc tahiyyatullah, salam alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salam alayna wa ala ibadillah as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ils ont rajouté un stylo. Je dois aller voir. Juste ils ont rajouté, on va dire. Enfin, ils ont coupé par ashhadu, donc. Alors, le 15e pilier est l'invocation en faveur du prophète, as-salatu ala nabi, dont le minimum, Allahumma salli ala Muhammad. Ce qui signifie, oh Allah, honore et élève davantage en degré Muhammad. Ou une phrase du même ordre comme de dire, sallallahu ala Muhammad. Voilà où la version complète as-salat ibrahimiyya. Le 16e pilier est le premier salam, dont le minimum est de dire assalamu alaykum. C'est une condition de dire le son a, enfin l'alif assalamu alaykum. Donc on ne dit pas salam direct salamu alaykum ou salamu alaykum. Donc salam alaykum, on dit assalamu alaykum. En fait, c'est al, c'est l'article défini quoi. Donc assalamu alaykum est aussi de dire ces deux mots sans une longue séparation. Donc c'est pas assalamu et puis il coupe longuement et dit alaykum. Le 17e pilier est l'ordre entre les piliers de la prière comme ils ont été cités. Il faut faire dans l'ordre, bien sûr. De sorte que si on a fait exprès de l'abandonner, l'ordre, en anticipant un pilier oral, à savoir le salam, ou un pilier gestuel par rapport à sa place dans l'ordre, comme par exemple en se prosternant avant de s'incliner, la prière est annulée, en raison de son manque de sérieux. Donc alors, qu'est-ce qui est invalide? C'est ou un pilier oral pour le salam, s'il dit salam avant la fin, d'accord? Ou un pilier un pilier gestuel. Il va se prosterner avant de s'incliner, exprès. Donc c'est pour ça, c'est manque de sérieux. Mais si on l'a fait par distraction, donc là, on abandonne l'ordre. Qu'on revienne alors au pilier omis pour l'accomplir. Mais si on le fait par discrétion, c'est-à-dire on abandonne l'ordre, qu'on revienne alors au pilier omis pour l'accomplir et qu'on termine sa prière. sauf dans le cas, donc si par exemple il est dans la, la première raka, et puis par discrétion, ça arrive, il s'est prosterné. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Il se relève debout, bien sûr. Il ne se relève pas direct incliné, il se relève debout, et il s'incline. Donc il se relève debout, il s'incline. Et donc il s'incline et puis il continue. Sauf dans le cas où l'on est, c'est-à-dire celui qui est distrait, ne se rappelle avoir abandonné le pilier qu'après s'être déjà engagé dans un pilier identique, c'est-à-dire correspondant au pilier omis, ou lorsqu'il ne s'en souvient qu'après s'être engagé dans un pilier plus avancé encore, celle à laquelle il manquait un pilier, est ainsi complétée par le pilier correspondant au pilier omis, et tout ce qui en a fait par distraction dans ce cas-là n'est pas pris en compte, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait en étant distrait entre le pilier omis et le pilier identique effectué, qui a complété la raka. Par conséquent, si on ne se rappelle avoir omis l'inclination, par exemple, qu'après s'être incliné dans la position debout qui vient après l'inclination ou dans la prosternation qui vient à la suite, la raka est complétée par cette inclination, et ce qu'on a fait entre l'inclination omise et l'inclination de la raka suivante n'est pas pris en compte. Donc, on a dit, alors, si dans la première raka, il se rappelle dans la prosternation qu'il n'a pas fait l'inclination, il revient debout, il s'incline. Donc, c'est clair, là. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, s'il est plus avancé, alors, ça veut dire, il a fait la deuxième, et il se rappelle, il s'est incliné dans la deuxième. Mais il dit, mais attends, moi j'ai pas fait l'inclination de la première. Là, il complète. Il n'a pas à revenir parce que ça y est, il s'est engagé. Là, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, en réalité, celle-là, ça compte qu'il est encore dans la première raka. Parce qu'il s'est rappelé, dans la première, il ne s'est pas incliné. Donc ça ne va pas compter, tout ça. C'est ça que ça veut dire, toute la phrase, en fait. C'est-à-dire que tout ça, ça ne compte pas. C'est comme s'il est toujours dans la première, en fait. Là, comme s'il s'inclinait pour la première. Et tout ce qui a été fait depuis ce qui est omis et la chose qui est identique, ben, ne comptera pas. Donc, c'est comme si, voilà, c'est comme si on l'effaçait, puis c'est comme il est dans la première, donc au final, il n'est pas dans la deuxième, donc au final, il faut qu'il fasse le nombre de rak'a qui correspond. Donc, il va rajouter au final. Donc c'est ça. Ou plus avancé encore, il s'est prosterné dans la deuxième. Il s'est dit, mais attends, dans la première, je ne suis pas incliné. Là, il ne bouge pas. Il ne revient pas comme le cas où il s'est souvenu encore dans la première. Là, il continue. Mais il se dit, tout ce qui a été fait entre l'inclination qu'il aurait dû faire au début et l'inclination qu'il a faite dans la deuxième raka, tout ça, ça ne compte pas. Donc au final, ben, il manquera une raka en fait. D'accord? Donc ça, ça peut arriver. Donc les deux cas peuvent arriver. Mais voilà, surtout le premier en fait, qui peut arriver, qui arrive plus souvent. C'est le premier cas. T'es dans la prosternation, tu dis, mais ah ouais, je me suis... Parce que généralement, la distraction, elle ne dure pas longtemps. Ah, tu étais distrait, mais quand tu étais prosterné, tu dis, ah, il manquait l'inclination. Là, tu te rappelles l'autre aussi. Ou aussi. Mais en tout cas, par expérience, c'est la première qui arrive. Tu vois. Mais dans tous les cas, la règle, elle est là. Elle ne change pas, la règle. Donc, la personne, si c'est dans premier raka, il n'est pas arrivé au semblable du pilier omis. Ici, c'est l'exemple, c'est l'inclination, mais ça va peut-être la prosternation. Toujours, il faut voir, la limite, c'est le pilier qui correspond. S'il n'est pas arrivé à ce pilier qui correspond à ce qu'il a oublié, il revient. Il revient et il continue. Donc si, voilà, pour l'inclination, il revient debout, là où ça commence. Si c'était la prosternation, ben, il revient, par exemple, et ça arrive, il dit, ah, mais il manque la deuxième prosternation, je me suis relevé direct, je n'ai pas fait la deuxième. Ben, il revient assis et il se prosterne. Donc, c'est-à-dire la troisième raka, j'oublie un pilier de la première, il finit la 3 et la 4, puis il refait la manque. Ouais. La ouais. Et Tahiyat, il l'a fait à quelle raka du coup? Ben, il compte ben, à la dernière. Dernière, oui. La vraie dernière en fait, parce que ce qu'on a dit, ça compte pas ça. Donc il fait la vraie dernière en fait. Parce que d'apparence, il serait dans la quatrième, mais comme il s'est souvenu, troisième au final, il compte. D'apparence, il serait dans la quatrième, mais quand il se souvient qu'il a pas, il s'est pas incliné dans la première, ben, elle compte plus. Là, il se dit qu'il est dans la troisième, donc il ne fait pas la tahiyat bien sûr. Il fait à la fin. Donc c'est clair? C'est clair? Donc c'est important, parce que c'est ça, corriger la prière. Parce que des gens, je trouve des gens dans la mosquée, ils croient que voilà, tu fais n'importe quoi, ben juste au final, tu te prosternes deux prosternations. Non. Les deux prosternations qu'on rajoute à la fin, on dit sujoud sahw, deux prosternations de distraction, c'est juste une recommandation. Après tout ce qu'on a vu ça, il est recommandé que tu rajoutes deux prosternations. Chez Shafi'i, il n'y a qu'une seule solution, c'est avant de passer le salam. Tu as fait ton tahiyyat, tout, tu prosternes encore deux fois de manière recommandée. Parce qu'elle était distrait. Mais les deux prosternations ne corrigent pas. C'est ça l'obligation qu'il y a à retenir pour bien corriger en fait. Les deux prosternations, même si tu n'as pas fait, tu as raté juste des récompenses. Mais si tu n'as pas fait ça, ta prière n'est pas valable. Et certaines personnes âgées, ils croient que ça y est, bon, allez, ça y est. Ils ne font pas la tête, ils disent dans ça. Et puis, à la fin, je rajoute deux prosternations. Non. Les deux prosternations, c'est pour sunna de distraction. Ça, il faut. Et puis, il faut connaître. Il n'a pas le droit de, comme ça, interrompre la prière. Dire, ah bon, allez, j'arrête, je recommence. Parce que c'est haram de couper la prière. Donc il faut connaître ces règles-là. Et la prière, on le rappelle, c'est la meilleure œuvre et après la foi. C'est la meilleure œuvre. Et c'est l'œuvre qui te fait gagner le plus de récompenses dans la journée. Il faut faire avec la crainte, bien sûr, la bonne intention, etc. Et la crainte, c'est important. Ça se travaille. Parce que dès que tu arrives, facture, travail, tout ça vient. Comme l'histoire. Vous connaissez l'histoire d'Abu Hanif, hein, qui connaît l'histoire d'Abu Hanif, avec quelqu'un qui a oublié où il a mis son trésor ou son argent, on va dire, qui connaît l'histoire. Et ben, c'est quelqu'un, il avait oublié, avant il enterrait le trésor ou l'argent, donc il l'a enterré mais il a oublié où c'est. Il est parti voir Abu Hanif. Alors, c'est un grand saint, un grand savant, je connais. Il a dit, va, fais beaucoup de prières le soir. Commence à faire des prières de sunna. Commence à faire des prières, hop, ça y est, il se souvient. Et là, il est revenu, il dit, mais je savais que Shaitan ne va pas te laisser. Il va te dire, ah, le trésor, tu l'as enterré là. Il s'est souvenu dans la prière. Et là, il s'est souvenu où il l'a enterré. Et il lui a dit, bah, maintenant t'as trouvé, continue à faire les prières nafila du soir. Donc il, voilà, son remède lui a dit, va faire tes prières nafila. Shaitan, il va te ramener l'information pour ne pas te laisser bien prier. Donc ça se travaille, bien sûr, les savants, vous en avez, il y en a, ils travaillent son 9, 20 ans, l'autre 40 ans, etc. Il faut travailler, il faut pas dire quand je serai vieux, mais il faut commencer dès maintenant parce que. Et à maîtriser le nafs quand tu seras vieux, peut-être. Donc, il faut travailler surtout dans la prière. C'est là. Il faut se dire que c'est peut-être c'est la dernière, etc. Parce que les gens meurent tous les jours, vous savez. On le voit dans les infos. Les gens meurent tous les jours, donc je dis peut-être que c'est. La... En fait, plus tu travailles, après ça devient un plaisir. Ça, vous le savez, des histoires des grands saints, ça devient un plaisir pour eux. La prière, il y en a, lui ont fait opération chirurgicale dans la prière, sans anesthésie ni rien. C'est connu l'histoire. Il avait maladie, il fallait amputer la jambe. Pas d'anesthésie, pas de bloc opératoire. Il a dit, attendez que je commence la prière. Il a commencé la prière, tellement il a la crainte. Et il l'a senti comme une piqûre. Ça, c'est un haut niveau, ça se travaille, bien sûr. Comme les domaines mondains, pour être un sportif de haut niveau, c'est du travail. La religion, ça se travaille. Et donc, voilà. La religion, ça demande un effort. Parce que la récompense, c'est pas une médaille, c'est pas une villa, c'est sans fin. Plaisir sans fin, donc c'est incomparable. Mathématiquement, tu ne vas pas comparer. Ça, c'est la réalité. Mais c'est vrai qu'on oublie, donc c'est pour ça le rappel, c'est important. Donc ça, ce travail, et dans la tombe, chacun il sera tout seul. Donc la prière, c'est la meilleure œuvre dans l'islam, après la foi en Dieu, bien sûr. C'est important. Et le prophète, alayhissalam, il a insisté. Comme il a vu quelqu'un, il n'avait pas le talon dans l'oudou. Il a dit, « Waïlun l'aqa binanna » C'est-à-dire, menace du châtiment de l'enfer. Il y en a pour celui qui n'avait pas le talon. Pourquoi? S'il n'a pas le talon, l'oudou n'est pas valable, la prière n'est pas valable. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas appris la religion, tu les vois, ils négligent. Ils disent, ah, le cœur, bon, là. Tu dis, répète, par exemple, tu étais dévoilé derrière, répète ta prière. Des choses comme ça, ils négligent. Donc, alors, c'est clair pour ça, l'ordre. Donc, on va faire, là, bien sûr, pour le tashahud et pour Fatiha. Juste une question. Ouais. Si on se rappelle plus après la prière qu'on a oublié quelque chose. Ah, il se rappelle. Après, il est sûr. Il recommence, là. Il recommence. Ouais. S'il est sûr, il a oublié, il recommence. Là. Bon, l'exemple qui est cité dans le hadith, par exemple, que le prophète, il avait, il a oublié deux rak'a. Il a passé le salam, il a oublié deux rak'a. Ils l'ont confirmé, les compagnons, qu'il a oublié. Il a continué les deux rak'a qui manquent. Donc les savants, ils ont déduit que si le temps il n'est pas resté longtemps, tu peux compléter ce qui reste. Par exemple, les deux rak'a. Maintenant, il te reste une rak'a. Tu as passé le salam, il restait une rak'a. Et là, on t'a dit, on t'a confirmé qu'il reste. Là, tu peux continuer. Dire Allahu Akbar et l'intention de compléter une raka'a. Parce que le temps il n'a pas duré. Ça c'est arrivé au prophète alayhi salatu wa salam. On fait l'intention de continuer la prière. Ouais, l'intention de continuer la prière. Selon quel avis ça? Selon quel avis? Bon, mais c'est un hadith en tout cas. Donc selon Malik c'est valable aussi? Quelqu'un il prie selon Malik? Là, j'ai pas le détail. On a appris par transmission un hadith, donc un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc voilà, il y a un hadith qui s'est arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam. Il a fait, et puis il y a un homme qui lui a dit, lui a posé la question, et le prophète il a demandé à d'autres compagnons pour confirmer. Ils ont dit, c'est vrai ce qu'il dit, et donc il a complété. Les deux rak'a. Voilà. Donc, bien sûr, il y a une règle importante, bien sûr, quand c'est un hadith qui montre, donc, hadith confirmé. Donc, bien sûr, on ne demande pas quel avis, en fait. C'est le hadith du prophète, bien sûr. Après, C'est-à-dire comment ils ont interprété les savants. D'accord? Mais toi, tu parles comme la règle enfin, qu'ils ont déduit. C'est ça que tu parlais, c'est ça ta question. En fait, c'était la règle, c'est que si le temps ne s'est pas écoulé longtemps. Donc, voilà. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc, alors, la Fatiha, donc il faut connaître les points de prononciation. Donc, si quelqu'un, par exemple, ça arrive, on parle à quelqu'un, il s'est converti, ça nous est arrivé, il vient de se convertir, il veut prier. Inch'Allah. Il y a des gens, c'est Dieu qui guide, il y a des gens qui sont d'origine musulmane, ils ne prient pas, ils sont 50 ans, il y a des gens qui se convertissent. Même à la fête du mois, où le caca il s'est converti le samedi, il est venu le dimanche, il voulait apprendre à prier. Donc il y a des gens, c'est Dieu qui donne la motivation. Donc dans ce cas, les gens ils peuvent se poser la question, comment il fait pour le Fatiha. Donc les savants ils ont dit, bon, il va rester une évocation qui remplace le nombre de lettres. Il ne dit pas, non, je ne ferai pas la prière, non, c'est important la prière. Ou il prie derrière quelqu'un, dirigé par quelqu'un, ou il prie, il dit, donc par exemple, 19 fois, Allahu Akbar. 19 fois, Allahu Akbar, pour remplacer le nombre de lettres de la Fatiha. Donc, parce que quand il s'est converti, cette prière-là, parce que ça efface, l'islam ça efface ce qui précède. Mais quand il s'est converti, la prière, toutes les obligations incombent. Donc la prière, elle lui incombe. Bien sûr, nous, c'est quelqu'un, on voit selon sa motivation. D'abord, on explique la croyance, d'abord. Donc alors, là, on va réciter, on va répéter. Parce que c'est très important, ça sera. Donc bien sûr, si quelqu'un il sait pas une lettre, il peut pas répéter faux. Il faut répéter la lettre toute seule après. D'accord, on va voir s'il y a une lettre, il peut pas s'entraîner en récitant faux le Coran. Il faut d'abord maîtriser la lettre. D'accord. Donc voilà, celui qui maîtrise les lettres, il répète. Donc il répète. Donc il y a A'udhu billahi minash shaitanir rajim qui ne fait pas partie de la Fatiha, mais c'est sunna de dire, mais toujours on le dit à voix basse. D'accord. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc on peut le dire, nous, pour répéter à voix haute. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم. Donc là il y a sa, su, si. Donc il y a trois lettres qui sortent des bouts de la langue entre les incisives supérieures et inférieures. Ça, qui n'est pas emphatique, il y a ça. Ça, il est emphatique. Ça, sou, si. On s'entraîne en disant avec les trois voyelles, ça, sou, si, is. Il y a le za aussi. Za, zouzi. C'est les trois lettres ils sont proches en fait. Ça, c'est répété deux fois. Donc dans la fatha, c'est important de maîtriser. Sa, su, si, is. Sa. Donc on s'entraîne en fait, la personne même chez elle, en répétant, c'est facile. La langue arabe, On sait que c'est la meilleure langue, c'est la langue des gens du paradis. Quatre prophètes sont arabes, le Coran est arrivé en langue arabe. Et elle est facile, la langue arabe, bien sûr. Alhamdoulilah, même il y a des frères qu'on connaît, même des convertis, maintenant ils récitent le Coran, ils enseignent même en arabe. Ça veut dire que c'est facile. Mais facile ne veut pas dire c'est n'importe quoi, c'est précis. Il y a des règles qu'il faut apprendre. D'accord ? Donc, voilà. C'est pas comme le dialecte, des fois, et des gens ils s'habituent au faux, donc c'est difficile d'enlever. Donc, sa, su, si. Sa, su, si. Sa, su, si. Sa, su, si. En fait, c'est une lettre de la langue. C'est pas une lettre des lèvres. Il n'y a que quatre lettres des lèvres. Ba, ma, wa et fa. Donc, quand ce n'est pas une lettre des lèvres, donc on n'a pas vraiment besoin des lèvres que pour, par exemple, la dhamma. Dhamma, ça vient de réunir les lèvres. Su, bu, tu, fu. Sinon, sa, sa, on n'a pas besoin vraiment des lèvres. Sa, su, pour le ou, le son ou, c'est toujours les lèvres. Il faut avancer, les lèvres, c'est dhamma, c'est réunir, ça veut dire. Donc, si, si, sa, su, si. Sa, su, si. Donc là, le bout de la langue, il est proche, presque quasiment une touche en fait, et, entre les incisifs en haut. Sa, su, si. Il s'approche en fait du palais aussi. Ce qui fait un son grave. Sa, su, si. Sa, su, si. اهدنا الصراط الصراط الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طاء aussi c'est un son grave donc طاء il y a le تاء en arabe تاء توتي يا Ta, tu, ti. Ta, tu, ti. Ihdina s-sirat al-mustaqim. S-sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim. ولا الضالين ولا الضالين ضاء aussi c'est une des lettres qui demande l'entraînement. Pourquoi? Parce que souvent c'est une lettre que dans le dialecte les gens ils utilisent pas souvent ou pas correctement. Ba, en fait, c'est, on dit d'ailleurs la langue arabe, c'est la langue du bad. Même dans le hadith, c'est cité, le prophète, il dit, « Ana afsahu man nataqa bil bad. » Afsahu, ça veut dire le plus éloquent de ceux qui ont parlé à la langue du bad, la langue arabe. Ou, voilà. C'est la seule langue qui a cette lettre-là, en fait. C'est la lettre qui, la seule en arabe, bien sûr, qui sort sur le côté. Souvent, ben, c'est... Les lettres, ça sort devant, ici, au milieu, puis derrière. Puis une seule lettre qui sort sur le côté, c'est Bod. Bod, côté droite ou gauche, mais souvent gauche, le plus habituel chez les gens. Bod, c'est entre les molaires, du haut ou du bas. Bod. Bod. En fait, il y en a qui peuvent la comprendre, il y a avec une autre lettre qui s'appelle Va. Beaucoup du, enfin, qui viennent du bled, ils la confondent avec Va, parce que ça se ressemble un petit peu. Va, c'est le bout de la langue avec les incisives. Elle n'y est pas dans la fatiha, cette lettre. Mais elle y est dans Vullon, par exemple, Valama. Vull, l'ombre, Valama, est injuste. Va, c'est le bout de la langue avec les incisives. Va, vous, vi. Donc, ce n'est pas cette lettre-là qui est question dans la fatiha. L'autre lettre, ce n'est pas les incisives. D'accord? C'est. Le côté de la langue. Côté comme ça. Il y a la langue comme ça, côté. Bo. il va appuyer sans tordre la langue, hein, c'est pas faire comme ça, mais en fait c'est comme elle se décale latéralement en fait. Ça fait voilà comme une ventouse en fait. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Ib. Ça aide à prononcer les lettres, c'est de rajouter i. Ib, it, is, is. Ib. Ib. Bo, bou, boui. Bo. Répétez. Bo, bou, boui. Voilà, la langue, elle sort pas vraiment. C'est pas comme le va, sort pas. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. Bo, bou, boui. غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Donc, ça c'est règle de tajwid, c'est de prolonger 6 temps. Voilà, bonin, avec une chada sur le lam. D'accord ? Donc, on va la répéter. Comment on sait les temps ? Temps comme ça, pardon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. C'est un rythme le temps en fait, c'est pas des secondes. D'accord, on répète. Toujours, c'est important de renouveler la bonne intention, bien sûr, pour gagner des récompenses, c'est le but. Donc, on refait le A'oudou billahi minash shaitanir rajim. En fait, c'est exprès pour travailler les lettres, en fait. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, le ra aussi, faire attention, ne pas dire ra. Certaines personnes vont dire ar. Il faut en fait que ce soit en fait, souple sur la langue pour que ça ne vibre pas. Ar ra. C'est doublement, c'est tout, pas triplement. Ar ra. Ar ra. Rou. Ra. Ri. Ir. Voilà, ir. Ar ra. Ar ru. Arri, arra, arru, arri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم مو bien sûr il est pas grave Le ma, le ba, ils sont pas graves en arabe. C'est pas comme en français. Mou, c'est pas mou. Mou. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bien. Donc on répète comme on a le temps encore, avec la bonne intention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Donc fais attention, en fait, on bloque pas la, en fait, l'air complètement. Ça c'est parmi les règles, en fait, de pour le yé. On dit pas Iyak, c'est pas Iyak. On dit Iyak, I, c'est pas I. Ça laisse passer l'air. Iyak. Iyak. Voilà. Iyak. Voilà. Iyak na'budu. Iyak na'budu. Wa iyak nasta'in. Wa iyak nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bon, ouais, on commence avec la bonne attention toujours. Le prophète, de toute façon, il a dit chaque lettre a une hasanet. T'as des hasanet du Coran. La fatiha, c'est la seule obligatoire. Donc, il y a beaucoup de hasanet, inshallah. Mais il faut dans le cœur la bonne attention. Ça, c'est quelque chose de facile en fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء comme on sait c'est bien sûr جاء en arabe c'est pas comme en français comme en darija ils disent جاء en arabe ça on dit pas جاء on dit جاء جاء إج là elle bloque l'air par contre إج جاء جو جي c'est la lettre Jim, donc en fait, c'est pas Jim, c'est pas comme G, d'accord? C'est pour ça qu'on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc ça c'est important parce que ça facilite, parce que toutes les invocations, tout le Coran, c'est les mêmes lettres. Si tu maîtrises, tu peux réciter facilement, d'accord? بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. انت بقى لا شد على فا ولا الضالين. ولا الضالين. Allez, c'est la dernière. Tout le monde se concentre. Il est prêt à partir, mais on va réciter. Range. Les affaires, téléphone. Allez, bonne attention toujours, c'est bien de la renouveler. Ça coûte rien, c'est facile, c'est dans le cœur. A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم. Donc il y a une prolongation, donc Yaou, donc ça s'appelle Maddellin, Bayt, le Wa ou le Ya, avec Sukun, avec une fatha avant E, il y a une prolongation. Yaoumi, Yaoumi, Yaoumi, Maliki Yaoumiddin, Maliki Yaoumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. Donc fais attention, le lam, il y a une chadda. Walad-dallin. Walad-dallin. Chadda, c'est deux har, en fait. Li, li. En fait, c'est deux lettres, chadda, voilà. Si on enlève, donc ça n'est pas valable l'arrestation. Walad-dallin. C'est mieux. Donc bien sûr, le noun à la fin, on ne prononce pas. In. D'accord. C'est pas un... Non. D'accord. On va le dire. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم.